Je suis désagréable dans mes oreilles. Non, je l'ai toujours. Ce bruit. Faut que j'enlève ce bruit, c'est horrible. Oh, bon, attends, j'en mets une autre. Attends, hein, juste un moment, Titi, j'en remets une autre. Salut, ou bien, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on t'a vu. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Allez, une au hasard. Alors, je vais taper. Allez, celle-là.